Aujourd'hui, je voulais revenir sur un aspect du phénomène ASMR que j'avais déjà évoqué la dernière fois, que j'ai encore expérimenté il y a peu de temps. Je vous avais dit qu'il m'arrivait, lorsque je regardais trop de vidéos ASMR d'affilée, et pendant un laps de temps un peu trop court, qu'il m'arrivait donc de ne plus rien ressentir, et je me demandais si j'étais le seul à qui ça arrivait. Et ben en fait, très peu de temps après avoir publié le podcast, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube et des articles également sur Internet qui parlaient de ce phénomène qui porte un nom, hein, c'est le ASMR immunity, l'immunité à l'ASMR. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal et de très répandu chez les adeptes des vidéos ASMR. J'ai envie de dire que trop d'ASMR tue l'ASMR. Et il est vrai que lorsqu'on fait une overdose, eh bien, c'est un peu comme n'importe quelle drogue. Au bout d'un moment, le cerveau s'habitue. Et il faut une dose un petit peu plus forte pour avoir les sensations. Alors, dans les vidéos que j'ai pu trouver, il disait heureusement que ce n'est pas une immunité, entre guillemets, qui est définitive. Les tingles, ce qu'on appelle les tingles, c'est-à-dire les sensations de frissons, les chatouillements que l'on ressent d'habitude, reviennent. Mais cela, il y a plusieurs méthodes. La première d'entre elles est de loin la plus efficace et je peux vous le confirmer puisque je l'ai moi-même mise en pratique ces derniers jours. La plus efficace donc, même si c'est un petit peu dur par moment, eh bien c'est de couper le robinet, si je puis m'exprimer ainsi. Autrement dit, eh bien, il faut tout simplement arrêter de regarder des vidéos ASMR pendant un certain temps. Le temps pour que le cerveau se déshabitue. Et c'est vrai que on n'a pas nécessairement envie d'arrêter de regarder ces vidéos, puisque même lorsqu'on ne ressent pas d'ASMR en les regardant, eh bien, même dans ces cas-là, on va dire qu'on se retrouve dans la même situation qu'une personne lambda qui ne ressent pas l'ASMR du tout et qui regarde une vidéo ASMR et qui, même si elle ne ressent rien, au moins ça, relaxant. Donc, la personne qui ressent l'ASMR et qui a fait une overdose, on va dire, eh bien, elle ressentira quand même une sensation de relâchement, relaxation, et c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va voir des vidéos ASMR. On va les voir, il ne faut pas se mentir, pour avoir ces fameux tingles, ces fameuses sensations agréables dans le front, à l'arrière du crâne, dans la nuque et dans la colonne vertébrale. Donc, si on veut que ça revienne, eh ben, il faut arrêter pendant quelques jours. Certains préconisent 2 semaines, d'autres carrément 1 mois ou 2. J'ai fait l'expérience pour ma part sur une semaine. Ça m'a suffi à récupérer la plupart de mes sensations. J'ai fait l'expérience avec les vidéos que je connais plus ou moins par cœur maintenant et dont je sais qu'elles me provoquent les plus fortes sensations. Et effectivement, j'ai ressenti l'ASMR tout de suite. Donc c'est assez rassurant quelque part de savoir que ça revient et que l'immunité ASMR n'est pas définitive. La seconde méthode qui est proposée par les personnes qui ont fait cette expérience, c'est d'essayer de trouver d'autres déclencheurs que ceux qui nous procurent habituellement de l'ASMR. Si on ne regarde par exemple que des vidéos de chuchotement, eh bien peut-être qu'il ne serait pas inintéressant d'essayer des vidéos de tapping, par exemple. Vidéos dans lesquelles on ne parle pas et dans lesquelles on n'entend que des bruits d'objets frottés, tapés ou simplement manipulés légèrement. Moi, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas très fan de tapping et je me suis surpris à apprécier certaines vidéos, pas toutes, hein, de tapping. Donc on peut toujours partir à la recherche de nouveaux déclencheurs et pas rester sur les mêmes. Essayer aussi, et ça pour moi c'est très dur, de regarder des vidéos différentes et de ne pas trop regarder même. Moi, c'est le petit défaut que j'ai. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, puisque bon, j'aime ça aussi, mais j'ai tendance, il est vrai, à regarder souvent des vidéos que j'ai déjà vues plusieurs dizaines de fois. Mais parce que aussi, je sais qu'elles me procurent des fortes sensations, et j'irai même plus loin. J'irais jusqu'à dire que parfois, quand on connaît la vidéo par cœur et que l'on sait à quel moment particulier de la vidéo on a ressenti un fort ASMR, eh bien, l'anticipation de ce moment renforce la sensation, puisque les vidéos ne génèrent pas toujours en permanence les tingles. Parfois, il va y avoir simplement un laps de temps de 10 ou 20 secondes sur une vidéo d'une heure qui peut provoquer une forte sensation ASMR, et c'est ces 10 ou 20 secondes là que je vais me repasser. Il y a par exemple une vidéo Sleeping ASMR dont j'avais déjà parlé dans le premier numéro. Et dans cette vidéo, l'ASM artiste Sleeping Pearl avait sélectionné plusieurs magazines pour faire du page turning. Cette vidéo dure à peu près une heure, je crois. Et bah, bizarrement, moi, le passage que je préfère dans cette vidéo, c'est son introduction. L'introduction dans laquelle elle montre les différents magazines un par un qu'elle va ensuite ouvrir plus tard dans la vidéo. Bien, sa manière de les présenter et de les regarder. Et c'est peut-être ça aussi. Et je vais revenir sur cet aspect en faisant la review de la vidéo que j'ai choisie pour ce numéro. Ça, c'est dans quelques instants. Et ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement manquer à certaines vidéos. Donc ça me fait une très belle transition pour parler de la vidéo d'aujourd'hui. Ce ne sont pas nécessairement des vidéos récentes qui viennent juste de sortir. Je vous parle des vidéos qui m'ont plu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un roleplay fait par ASMR Angel, ASMR artiste anglaise dont j'avais déjà parlé. Le nom de la vidéo, c'est Library Study Roleplay. Donc de ASMR Angel. De toute façon, je mettrai le lien vers la vidéo dans le descriptif du podcast. Il s'agit d'une vidéo de 38 minutes dans laquelle ASMR Angel joue le rôle d'une étudiante qui rentre dans une bibliothèque dans laquelle nous-mêmes, spectateurs, incarnons sans le vouloir un autre étudiant en train d'étudier à la même table qu'elle. Elle arrive en s'excusant du bruit qu'elle fait et elle essaye, autant que faire se peut, de s'installer sans faire trop de bruit. Bien évidemment, elle fait du bruit, mais ces bruits sont des tingles. Elle déballe ses affaires, elle pose son sac, elle l'ouvre, elle en sort sa trousse, dans laquelle, une trousse en plastique transparent, dans laquelle il y a tous ses crayons qu'elle sort, qu'elle décapuchonne, qu'elle essaye. Et elle arrive très très bien à faire l'étudiante qui sait qu'elle ne doit pas faire de bruit, qui a un sourire un petit peu crispé en fouillant dans ses affaires parce qu'elle sait qu'elle fait du bruit. Mais tout ça, justement, participe à l'expérience ASMR. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsqu'elle joue le rôle de cette étudiante, on y croit à fond. C'est-à-dire que souvent dans les vidéos d'ASMR, il peut arriver que les youtubeurs fassent mal semblant. On sent un peu trop le côté intentionnel de la chose. Et dans cette vidéo, au contraire, je trouve qu'elle est tout à fait naturelle. On se croirait vraiment dans une bibliothèque avec en face de nous quelqu'un d'un petit peu bruyant. Et surtout, lorsqu'elle ouvre ses livres, ses cahiers, on la voit concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque ce qui déclenche aussi souvent une forte sensation d'ASMR, c'est le fait d'observer la personne se concentrer sur un objet. C'est sa concentration qui nous met dans cet état hypnotisé dont j'avais déjà parlé. Je sais pas, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, après ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais moi j'ai remarqué que le fait de voir une personne concentrée sur quelque chose va automatiquement plus stimuler la sensation d'ASMR au niveau de mon front. En revanche, lorsque j'entends une personne chuchoter, là, ce sera plus des tingles au niveau des oreilles. Et c'est quelque chose que j'ai pu aussi voir dans des commentaires. Et ça, c'est très intéressant. Les tingles provoqués par les sons sont souvent plus forts ça, c'est assez amusant. En ce qui me concerne, je ressens plus les tingles du côté droit. Quand on me parle du côté droit, ça me descend tout le long de la colonne vertébrale à droite et ça me le fait beaucoup moins à gauche. Et apparemment, c'est le cas pour pas mal de personnes. ASMR Angel qui est vraiment très apaisante, et encore une fois je vous invite à aller regarder sa chaîne, surtout que elle a beaucoup d'autres vidéos que j'aime beaucoup. Il y en a une notamment de page turning dans laquelle elle ne parle pas du tout, on voit juste ses mains en train de feuilleter un espèce de d'annuaire. Donc un magazine qui certainement n'est absolument pas intéressant du tout, mais les bruits que font les pages qui se tournent et la manière dont elle les tourne avec ses mains, ou parfois elle en fait défiler plusieurs avec son pouce, et ça fait un bruit qui est pour moi totalement renversant. Les écoutes.